Oh. Si viendrai parler à vous, que jouer un tel capon qui a gros et gras crépon, que nous mangerons marotte bec à bec et moi et vous, si me rattendez marotte, si viendrai parler à vous. Oh, dis-je dire un berge, vous avez dit, oh, dis-je dire un berge, vous avez dit. Venez après moi, venez, la centelle, la centelle, la centelle, mille bruits. Venez après moi, venez. Venez après moi, venez. Venez après moi, venez. La centelle, la centelle, la centelle, l'île est bouée. Venez après moi, venez. La centelle, la centelle, la centelle, l'île est bouée. Thank you. De pied de fer. Car sans oubli garderai fille aux amours.